Les commencements de Sangar. Chapitre 1. Le soleil. Le soleil qui se levait hissa son large front rouge dans l'horizon vaporeux de l'Orient. Il semblait monter avec peine dans un lointain tout empli de nuages blanchâtres et n'avait pas encore quitté l'appui des collines qui entaillaient largement la rondeur de son disque. On avait la sensation très nette que tout ce qui couvrait la terre, les brumes épaisses et ouatées, les nuages bleutés immobiles, les brouillards cotonneux qui traînent, accrochés aux arbres, dans la lumière fraîche du matin, tout cela l'entravait dans son essor. Il semblait chercher à se libérer de leur voile pour prendre sa course victorieuse dans le ciel, comme un cheval de Bouvines écarte au bord de la coustière les roseaux qui le retiennent par leur tenace enchevêtrement et peinent à se frayer un chemin dans leur masse emmêlée avant de bondir à toute allure à la poursuite des taureaux par la vaste et libre Sansuir. Note. Un cheval de Bouvines, cheval spécialement dressé pour la conduite, la garde et au besoin l'attaque des taureaux de course. En général, ce sont des chevaux de race Camargue, élevés avec les taureaux pour qu'ils les connaissent mieux. Fin de note. Note 2. Coustière, mot à mot, côte, versant, terre en bordure, dans les marais, la plaine où paissent les troupeaux de taureaux de course et où poussent des anganes, des roseaux, des saladelles et des joncs. Fin de note. Note 3. Sansuir, terre de Camargue, où le sel mêlé à la terre affleure l'été. Rien n'y pousse que des anganes rabougris et de maigres saladelles. Note 4. L'Aune, partie du sol formant une dépression et qui, dès les premières pluies, constitue des étangs et des lagunes. Fin de note. Enfin, le soleil s'éleva et il parut, à mesure qu'il montait dans le ciel, qu'il se dédoublait, comme le font les bateaux qui traînent sur la mer d'huile au large des Saintes et reflètent dans l'eau calme leur image renversée. Puis il fit un bond et abandonna l'appui des collines pour s'élancer dans le ciel. Alors un frisson secoua la Camargue et elle sembla s'éveiller. Venue maintenant, on ne savait d'où, une brise courut sur les Sansuir et les Launes, agitant doucement les feuilles des tamaris et les longs épis bruns des roseaux. Note, l'Aune, partie du sol formant une dépression et qui, dès les premières pluies, constitue des étangs et des lagunes. Fin de note. Un tout petit peuplier blanc, au tronc d'un bel argent et qui poussait là, fit vibrer joyeusement ses feuilles tremblantes. Elles rendirent un son vif et clair qui chanta dans l'air du matin. Les brumes, les buées matinales, les nuages furent repoussés par cette brise, mais n'allèrent pas bien loin, car, aussitôt, tout disparut comme par enchantement. Du même coup, le soleil de rouge devint d'or, et ses rayons, encore presque horizontaux et que plus rien ne retenait, s'en allèrent au loin, par-dessus les tamaris et les anganes. Note, angane, la plante typique de Camargue, salicorne commune ou anserine ligneuse, plante à feuilles grasses, famille des chénopodiers, tribu des salicornides. Plante herbacée ou ligneuse, les seules avec la saladelle qui croissent dans les terrains imprégnés de sel. Nom scientifique Salicornia herbacea. Fin de note. Quand la pieuvre énorme que les pêcheurs ont jetée au fond d'un panier, au pied du mât, cherche à s'évader de sa prison, elle hisse avec peine son corps jusqu'au bord de la corbeille. Elle s'y reprend à plusieurs fois dans des tentatives qui ébranlent le léger osier. Lorsqu'enfin elle y est parvenue, la masse gélatineuse de son corps s'y amoncelle en une boule tremblotante qui oscille dans un prodige d'équilibre. On ne sait si elle va tomber à l'intérieur de la couffe ou sur le pont, ou si elle va se partager en deux. Puis elle lance deux ou trois de ses tentacules qui se meuvent maladroitement. Elle saisit le sol et prend un point d'appui. Enfin, tout à coup, elle bascule d'un bloc et tombe avec un bruit humide et mou sur le pont de la Tartane où elle semble se répandre. Elle envoie ses bras de tous côtés et en s'agitant sur le pont qu'il rase, ils vont partout et fort loin et se saisissent de tout ce qu'ils peuvent atteindre. C'est ainsi que le soleil levant semble se hisser avec peine au-dessus des monts, au bout de la plaine immense. Tout d'un coup, il paraît chavirer par-dessus leurs barrières, envoie ses rayons au loin sur la plaine qu'ils rasent. Ils saisissent et pénètrent tout ce qui n'est pas à l'abri de leur atteinte. Ce matin-là, la lumière semblait ricocher d'une plante à une autre, comme font les galets plats que les enfants lancent sur la mer et qui sautent de vague en vague. L'atmosphère aussitôt devint claire et limpide. Elle parut se nettoyer tout d'un coup de toutes les brumes qui s'y traînaient encore. Elle était si pure qu'il courut comme une rumeur de cristal vibrant à mesure que la jeune lumière traversait l'air en le fouettant. Ses rayons vinrent caresser les troncs noueux des tamaris et mettre des scintillements au bout de leurs feuilles encore humides de rosée. Les fils de la Vierge, qui sont si nombreux à la surface de la Sansouire, tout d'un coup s'illuminèrent et ressemblèrent à d'innombrables parures de diamants qu'une dame très riche et très belle et magnifique aurait jetées là, négligemment, sans autre souci que de faire la camarde plus somptueuse pour mieux recevoir son amant. Raides comme des pierres, les alouettes montaient du sol. Elles s'élevaient verticalement en battant des ailes très vite et en chantant à tue-tête un chant qui recommençait toujours. Des colverts, blottis dans les roseaux, au bord du Rhône, s'ébrouèrent en battant l'eau qui retentit. Ils caquetèrent joyeusement un instant, puis se turent, pendant qu'à grands coups d'ailes, des pies de mer s'élevaient du fond d'une laune et venaient tirer débordés au-dessus de l'eau en piaillant, d'une voix aigre, le cou rentré dans les épaules. Pour applaudir à la venue de la lumière, deux grands hérons pourprés qui montaient leur faction perpétuelle sur une pointe de sable, firent claquer leur long bec en étendant le cou et secouèrent leurs vastes ailes à grand bruit. Puis, d'un seul mouvement, ils les refermèrent, s'appliquèrent la tête au milieu du dos et le bec sur la poitrine, reprirent leur immobilité prétentieuse d'un air de dire « Je réfléchis profondément et les grands gestes sont indignes de moi. Le monde n'est peuplé que d'imbéciles. » Quand les grands échassiers se furent figés dans leur contemplation méprisante, tout resta immobile un instant. Le soleil s'éleva encore un peu et ses rayons qui plongeaient de plus haut pénétrèrent derrière les salicornes. Au pied d'un vieux tronc de tamaris, tout noueux et tordu par le vent, bien à l'abri de la grande digue, il y avait une grosse engane et deux beaux bouquets de saladelles mauves. Note. Saladelle, une des plantes caractéristiques de la Camargue et qui pousse dans les terres salées. Toute petite plante verte portant un épi de fleurs légères et très étendue, de couleur mauve, élevée de 4 ou 5 décimètres au-dessus d'une tige unique. Famille des plombaginées, tribu des staticées, genre Tatis maritime, nom scientifique Staticea limonium et Staticea chioide. Fin de note. Le soleil s'en alla fouiller là-dedans avec l'un de ses plus beaux rayons, car il aime les belles plantes et les jolies fleurs. Il pénétra à la grasse salicorne, traversa les légères saladelles et vint jouer au pied du tamaris. Sur un lit d'herbes vertes, de ce beau vert d'émeraude qu'ont nos plantes de Camargue, il y avait quelque chose de brun, empaqué, et cela était immobile. On aurait dit une touffe plus compacte d'engane, ou plutôt un tas de filets bruns et humides jeté là par un pêcheur matinal. Le soleil caressa cette chose du bout de son rayon et sembla regarder plus attentivement ce que c'était. En même temps, il montait toujours plus haut et se faisait plus chaud et plus enveloppant. sous l'attouchement du soleil, dans cette masse qui gisait là, passa un grand frisson. Il y eut quelques spasmes brusques et tout d'un coup, voici qu'il s'en détacha comme une patte longue et gracile terminée par un minuscule sabot noir. Puis une autre jambe apparut, de même. Elles se rapprochèrent l'une de l'autre, s'étendirent et s'arc-boutèrent. Alors il sortit de cette masse, jusque-là, à peu près informe, la plus délicieuse petite tête de taureau que vous puissiez imaginer. Elle était toute petite, toute menue, et déjà un joli mufle tout palpitant et tout humide, où perçaient les ouvertures frémissantes des naseaux, la terminait. Le front large et carré, bien dessiné et couvert d'une toison fauve, frisée et abondante, s'annonçait vrai front de bête de combat et les minuscules pointes des cornes qui affleuraient de chaque côté sous la peau transparente semblaient hâtées de se montrer et toutes disposées pour constituer bientôt un bel embroc de bataille. Note, embroc. L'armure complète d'un taureau comprenant les deux cornes et l'os frontal. Fin de note. Le chanfrein était court et bombé, et les poils brunâtres qui s'y emmêlaient donnaient au petit animal une cocasse physionomie sauvage et têtue. Mais deux grands yeux doux et profonds l'illuminaient. Bruns et humides, ils semblaient, sous leurs longs cils, les yeux d'une belle fille d'Arles, lorsqu'appuyée contre un pilier des arènes, elle regarde son amant, le fer au poing et droit dans sa selle cloutée, défiler solennellement au milieu de la piste le jour de la fête gardienne. Les grands yeux clignèrent deux fois, car ils ne faisaient que de s'ouvrir à la lumière. Ils palpitèrent et la tête se releva. Il y eut un effort très pénible qui fit s'arquer les deux jambes tendues. Le reste de la masse brune, qui était le corps d'un veau nouveau-né, se souleva difficilement à plusieurs reprises, et les deux autres jambes s'en détachèrent. Le soleil, tout heureux de voir un si joli petit taureau naître, pour la plus grande joie de sa belle Provence, forcit autant qu'il put et fit ses rayons bien caressants et bien enveloppants. Il réchauffa le bouvillon de toute sa lumière, si bien que la pauvre petite bête, à ce contact si vivifiant, sentit croître son énergie. Elle fit encore un effort de ses membres fragiles en lançant la tête en avant, et tout d'un coup, au pied du vieux tamaris, en plein milieu de la Sansouire, dominant à peine les anganes et les saladelles, dans la grande et belle lumière dorée du soleil matinal, un petit veau vacillant, mais plein de vie, apparut debout sur ses jambes grêles. Il regarda tout autour de lui, d'un œil effaré et curieux, vit l'immensité de la terre qui s'étendait à perte de vue jusqu'à des horizons lointains de collines bleutées d'un côté, jusqu'à la mer sans bornes de l'autre. Il sentit que son équilibre lui devenait difficile à garder. Il écarta ses petits pieds sur la terre grise, où les sabots minuscules, pour la première fois, laissèrent une trace. Puis, comme un souffle de brise passé, il frissonna. Alors le soleil, qui dans sa sollicitude le vit tout de suite, car il aimait déjà la petite bête, s'appliqua à le pénétrer de sa chaleur bienfaisante, à l'envelopper de lumière. Il comprenait bien le bon soleil qu'il devait à cette pauvre chose qui naissait ainsi, tremblante et faible, au milieu de la Camargue immense, l'appui et le réconfort de sa lumière tutélaire. De l'un de ses rayons, il lui caressa l'échine encore toute humide pour la sécher. Le veau, peu à peu, se sentit plus ferme sur ses jambes frêles. Il releva la tête et elle ne tremblait plus. Il regarda le soleil et celui-ci lui parut si grand, si beau, si brillant, si bon qu'il ne put le fixer longtemps et se contenta d'en recevoir la force en baissant les yeux vers la terre. Puis il s'aperçut que sa vie était devenue plus forte. Alors il regarda autour de lui. Il vit un grand et magnifique papillon blanc, noir et or sur une saladelle mauve devant lui, et tout de suite il comprit qu'il devait aller voir de plus près cette chose si belle qui bougeait dans le soleil. Il tendit son mufle humide où passait et repassait sa langue rose, raidit son corps, leva aussi haut qu'il le put sa faible queue qui retombait à moitié, et parce qu'il sentait en lui la vie lumineuse et aussi la grande et religieuse curiosité des belles choses splendides et inconnues, délibérément, il se lança en avant. Ses petits pieds lui obéirent. Il fit quelques pas, maladroits encore peut-être, mais il les fit dans la direction qu'il voulait. Il chancela à droite, chancela à gauche, poussa son mufle en avant, en fixant les yeux sur le grand papillon splendide. Il était si beau, si riche ce papillon, il le tentait si bien que les yeux qui le fixaient semblèrent tirer le corps débile avec eux. Le bouvillon se rapprocha de la touffe de saladelle en zigzagant comme un bateau dont un pilote malhabile tient la barre. Quand il fut tout près, un rayon encore plus lumineux vint frapper le papillon qui étincela. Il semblait vraiment scintiller comme un joyau magnifique au-dessus de toutes les perles des fils de la Vierge. Le petit taureau voulut le voir de plus près encore et tendit le cou. Il lui sembla que cette chose si belle devait être très bonne et tout de suite il voulut en goûter. Mais le grand papillon d'argent et d'or s'envola dans le rayon de soleil. Ses ailes parurent plus diaphanes encore et ses couleurs plus chatoyante. Il vint voleter irrévérencieusement près du nez du jeune gourmand, puis s'en fut ailleurs d'un vol capricieux et joyeux. Le bouvillon en fut tout ébaubi et le vit s'en aller à coups d'ailes fantasques vers d'autres fleurs et d'autres destinées. Il vacilla un moment sur ses pattes, mais se raidit, reprit son équilibre et le soleil allongea sur la terre l'ombre très grande du petit veau qui devait devenir Sangar et qui regardait s'éloigner, dansant et voletant dans la lumière, un papillon splendide. Fin du premier chapitre de Sangar Taureau.